Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'Instant Éco, le nouveau rendez-vous économique sur Radio Fadjet, dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, la fracture territoriale avec un invité fil rouge, entrecoupé de chroniques animées comme chaque mois par Francine et Isabelle. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérôme. Eh bien donc, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'Instant Éco. Alors, il y a un sentiment largement répandu entre une France urbaine, riche, choyée par les pouvoirs publics, contre une France périphérique, en déclin et abandonnée, donc un sentiment d'injustice territoriale. Cette fracture territoriale revêt différents aspects. Accès aux services publics, mobilité, couverture numérique, déserts médicaux, centre-ville en déshérence, abandon des campagnes. Alors, pour évoquer cette fracture territoriale, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Quintois, qui est présidente de la société GEX, implantée à Vézelise. Bonjour Sylvie. Bonjour Jérôme. Eh bien, merci d'avoir accepté donc mon invitation. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet parce que le programme de ce mois-ci est très très chargé. Avec la société GEX, vous êtes un exemple concret de cette volonté d'infléchir l'exode vers les villes en redynamisant cette France périphérique. Alors concrètement, comment est née la société GEX ? Finalement, déjà, je fais partie originaire de ces périphéries, de cette France périphérique, des bourgs et des campagnes. J'habite à 2 km de Vézelise depuis une vingtaine d'années. Les résidents de campagne ne sont pas différents des résidents de ville. Leurs besoins sont les mêmes dans une vie contemporaine, tout en privilégiant les espaces verts. Ça, on le sait, c'est dominant. Le choix premier pour GEX, pour créer GEX, la raison de la création de GEX, c'était une envie profonde d'agir, d'apporter sur le territoire, à la fois sur le bourg de Vézelise et autour, nous sommes au cœur du Saintois, d'apporter des compétences professionnelles qui ne peuvent pas y venir à demeure, y rester à demeure. 1477 habitants au dernier recensement du début 2020, on comprendra bien qu'on ne peut pas forcément avoir un avocat, un architecte, un notaire. Bon, ce qui n'empêche que les besoins restent là. Quant à GEX, Global Expert exactement dans son entièreté, expert avec un S, puisque là il est question de pluricompétences, même si nous ne sommes pas détenteurs de toutes les compétences. Donc il est question de faire venir sur ce territoire tous les métiers, tous les savoir-faire, pour répondre aux mêmes besoins, à ces fameux besoins des villageois. Alors très bien, je vais rebondir un petit peu sur les activités justement que vous proposez, tant au niveau des particuliers qu'au niveau des entreprises. Et prenons un exemple concret. Le gouvernement vient d'annoncer donc la nouvelle prime Rénov visant à faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique. Alors imaginons qu'une personne qui habite à Vézelise se présente à votre bureau et vous explique qu'elle souhaite bénéficier de cette prime Rénov. Alors comment vous l'accompagnez ? Alors là, d'emblée, je le dis vraiment en toute transparence, je ne suis pas plombier chauffagiste, je n'ai pas cette compétence, donc forcément, je vais mettre en relation, alors de préférence avec un local, avec un professionnel local, je vais mettre en relation le client et le professionnel qui, lui, va prendre en charge mon client, qui effectivement aura toute la compétence, avec le certificat RGE, qui n'est pas anodin au jour d'aujourd'hui, c'est reconnu garant de l'environnement. Et donc, ce professionnel va, lui, correspondre à l'attente de mon client. Et moi, je garderai le lien. Je ferai, on va dire, une surveillance délicate pour savoir si mon client est satisfait et si le professionnel a matché avec ce client. Donc, il y a un suivi régulier. Il y a une prise en main complète. C'est-à-dire que c'est pour ça, à la fois, que le client vient vers nous avec son besoin et que nous cherchons pour lui la meilleure réponse, le meilleur professionnel, à la fois aussi avec le goût de chacun, parce que chaque individu est quand même tout à fait à part entière et particulier. Et un professionnel a des spécialités. Il faut que, quand je dis qu'il faut que ça matche, ça n'est pas anodin. Et donc, vous proposez également des services donc, aux entreprises. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de services proposés à ces chefs d'entreprise ? Alors déjà, avant d'être chef d'entreprise, parfois, ils sont, on va dire, des particuliers. Donc, nous sommes là aussi pour la création des sociétés, pour la création des entreprises. Nous encadrons complètement cette création Après une analyse, bien évidemment, le client doit arriver à aboutir à ce dont il a besoin, à ce dont il a envie, dans la profession qu'il a choisie. Et nous sommes à l'administration, on va dire, la création des documents administratifs, de constitution, de société, d'entreprise. Donc là, c'est le point de départ pour un particulier qui pourrait donc partir, évoluer vers un professionnel. Et une fois que le professionnel est créé, ou s'il est existant et qu'il vient déjà vers nous, c'est vrai qu'on va suivre éventuellement le conseil fiscal, le conseil juridique, par nous-mêmes ou par autrui, c'est-à-dire toujours pareil, avec des professionnels que nous allons trouver au plus proche de nous, dans la réalité des besoins, et qui viendront compléter ce manquement que nous pourrions avoir. Mais toujours est-il, on répond aux besoins du professionnel comme du particulier. Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu un intermédiaire entre donc, un particulier, une entreprise et puis d'autres alors, structures. Je dirais bien qu'on est l'interface puisqu'on est physiquement présent. Donc ça c'est très important surtout, c'est-à-dire que les gens s'adressent d'abord à une entreprise, à une société. EJEC c'est une société qui a pignon sur rue. Donc on est visible, alors beaucoup moins maintenant, mais toujours de toute façon sur rendez-vous. C'est vrai que nous rencontrons forcément les personnes. En même temps, une fois que nous avons fait le travail d'analyse, nous mettons en contact le professionnel avec le client. C'est vrai que nous ne serons pas forcément là toujours, mais nous sommes l'interface. On a rencontré un jeune homme qui nous a utilisé un terme de jeune, très novateur. J'ai trouvé ça sympa. Il nous a dit que EJEC, c'était un catalyseur. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal. C'est vrai que finalement, ça, EJEC attire à lui les compétences nécessaires pour rayonner dans la zone du Saint-Ois, la zone de Vézelise. Oui, très bien. Donc, vous apportez vraiment une valeur ajoutée à la commune. Alors, tout de suite après la pause musicale, on abordera justement la relation de EJEC avec la mairie. Hein, d'accord. Le maire. Donc, première pause musicale, l'occasion de découvrir les coups de cœur de notre invité. Alors, vous avez choisi donc un premier coup de cœur qui est donc Florent Maché pour Bambi Galaxy. Est-ce que vous pouvez nous justifier un petit peu ce choix? Alors j'ai une discothèque qui est vaste, très vaste, parce que je ne vis pas sans musique, enfin difficilement. J'ai un profond respect, une grande admiration pour les auteurs-compositeurs-interprètes. Je ne dis pas que, il n'y a pas que cela. Et puis j'avais envie de choisir, il y a deux coups de cœur, j'avais envie de choisir des personnes françaises. Et voilà, ça correspondait bien à, on va dire, j'ai écrémé, à un de mes goûts prononcés. Voilà. Très bien, on va retrouver tout de suite donc la première pause musicale avec Florent Maché, Bambi Galaxy. Shanghai, Daiquiri, Bambi Galaxy. Bonne nuit, les petits. Shanghai, tout scintille. iPad et fossiles. Un rien nous habille. Je n'ai plus de famille. Shanghai, Daiquiri. Bambi Galaxy, quel est mon pays? Où est ma capsule? Mon cap canavéral, tout seul dans ma bulle, loin du carnaval. Est-ce que tout est normal? Shanghai dans l'arène, en Porsche Cayenne, carrosse de reine, les autres en quarantaine, king size à la yacht, pétrole et nitrate. Mon cap canavéral, tout seul dans ma bulle, carnaval. Est-ce que tout est normal? Voilà, c'était donc Florent Marché avec Bambi Galaxy, donc le premier choix musical de notre invité, donc Sylvie Quintois, et on le retrouvera un second choix musical dans quelques instants. Vous écoutez Fadjet. Eh bien, en effet, vous êtes sur Radio Fadjet et nous accueillons pour cette émission L'Instant Éco Sylvie Quintois, la présidente de la société GEX implantée à Vézelise. Alors, on a vu tout à l'heure que donc, la société GEX jouait donc à apporter une valeur ajoutée donc, en effet, aux habitants de la commune de Vézelise. Alors, comment la mairie de Vézelise a reçu au départ votre initiative ? En fin de compte, très bien. Déjà parce que nous avons intégré en plein centre-ville, très très bien situé, je dois l'avouer, un local qui était vide à peu près depuis 2012, vide et détérioré. Donc à la fois on lui a redonné forme et on lui a redonné une activité, donc un sens. Il ne faut pas se voiler la face, hein. Vézelise a une image un petit peu égratignée, c'est palpable. Doucement elle se rafraîchit. Et c'est certain qu'il va falloir compter sur le temps et des investisseurs originaux pour lui ramener son lustre d'antan. Ça reste quand même, on va dire, une belle endormie aux charmes patrimoniaux indéniables. Nous sommes très très fiers d'y être installés d'ailleurs. Hein. Alors c'est vrai, résidents à proximité, ça compte, c'est indéniable. Depuis le confinement, nous avons beaucoup travaillé, on va dire, en télétravail. C'est vrai que GEX, le bureau est fermé, mais il n'empêche qu'on garde des contacts quand même très forts. Mmh. Et puis, vrai que le maire est quand même à nos côtés de façon réelle. Et concrètement, alors, quel a été le soutien de la mairie ? Alors, c'est une nouvelle mairie, donc c'est vrai que là, c'est un petit peu nouveau. Nous avons été reçus le mois dernier avec une adjointe du maire. Nous avons développé le thème de GEX, parce qu'effectivement, ça n'est pas toujours si évident de voir ce que l'on fait, ou toutes les possibilités que nous avons. Ils ont posé des questions pertinentes. On a donc compris quand même qu'ils étaient très intéressés. C'est aussi une mairie jeune. Et nous savons que nous allons pouvoir compter sur eux en toute légitimité. Et c'est honorable pour nous d'ailleurs. Mmh. Donc la société a un peu plus d'un an. Hein, Tout à fait. Hein. Alors quel bilan pouvez-vous faire donc de votre activité après cette première année d'existence ? Écoutez, il est bon. C'est vrai qu'on a effectivement un bilan positif, petitement positif, mais Covid négatif. Hein, je me répète à dire que c'est plutôt sympathique dans ce sens-là. On ne fanfaronne pas parce que c'est vrai que la conjoncture, elle est ce qu'elle est, qu'elle nous ralentit un petit peu dans la démarche. On est peut-être moins visible. En même temps, nous avons investi dans une vitrine avec des cadres LED qui parlent pour nous. Cette vitrine explique aussi nos savoir-faire. Et nous avons amené la possibilité de rendre rendez-vous une fois par mois avec un expert comptable. Là aussi, c'est une communication que nous faisons en vitrine pour la dynamique du centre-ville et environ. Et sous peu, nous allons recevoir donc une notaire qui va nous faire une journée d'information sur le patrimoine. Et là, effectivement, on sait qu'on va trouver des oreilles attentives et peut-être être un petit peu plus transparent, parce qu'on a une pluralité qui est conséquente et parfois les gens peuvent un peu se douter, enfin, ou douter des compétences. Là, il n'y a pas de doute à avoir, nous avons des beaux noms en vitrine et des belles actions derrière. C'est parfait. Alors donc, envisageons justement demain, hein, quelles perspectives pour la société GEX ? Écoutez, rouvrir les portes ou plus ou moins réintégrer les bureaux. Et puis, c'est vrai que si nous avons l'opportunité d'accueillir le CNAM Grand Est, on va dire dans les murs, puisque nous avons déjà eu des partenariats avec le CNAM, nous avons reçu des auditeurs pour des cours donc sur place. Nous avons le CNAM, alors justement, préciser un petit peu pour nos auditeurs. Spécialisé dans la formation continue. D'accord. Donc, la formation à tout âge. Un organisme de formation. Un organisme de formation qui est basé sur Nancy. Et nous avons eu des stagiaires du CNAM à l'époque où les portes, où nous étions encore dans les bureaux. Donc, ça n'est pas anodin. Donc, effectivement, on a dit rouvrir le bureau, avoir le CNAM auprès de nous de façon plus concrète, et puis développer la partie événementielle que nous n'avons pas encore eu l'occasion de développer. Et nous avons hâte, parce qu'après cet épisode un peu poussiéreux, on a un petit peu envie on travaille sérieusement, mais on a aussi un petit peu envie de se détendre et de proposer à la population peut-être des moments plus joyeux, des moments de fête et des organisations d'événements particuliers. Bon, bah écoutez, de belles perspectives d'avenir pour la société GEX. Alors, il y a quelques mois, lorsque vous avez réfléchi donc, pour créer votre entreprise, vous avez dû réfléchir également au choix d'un statut juridique. Alors, lors des deux précédentes émissions, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site internet de Radio Fadjet, Isabelle nous avait parlé du statut de la micro-entreprise et de l'entreprise individuelle. Eh bien, poursuivons cette découverte des différents statuts juridiques avec la chronique d'Isabelle. Alors, rebonjour Isabelle. Bonjour. Alors, tu vas nous éclairer aujourd'hui sur un autre statut, un statut qui a été choisi justement par la société GEX, la SAS ou la SAS. La SAS, tout à fait. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de la société, plus précisément de la SAS ou la SAS, car notre invité a une SAS, hein, la SAS GEX. Mais excuse-moi, SAS, ça veut dire quoi ? Ah ? Est-ce que vous savez, société par action simplifiée. Et on peut aussi créer une SASU ou SASU, société par action simplifiée unipersonnelle. Alors, première question que l'on peut se poser, pourquoi créer une société plutôt qu'une entreprise individuelle ? Sachez que la société, contrairement à l'entreprise individuelle, est une personne au sens juridique du terme. C'est-à-dire qu'elle va exister pour le droit, elle va avoir des droits et des obligations. Lorsque l'on embauche dans une entreprise individuelle, c'est le commerçant, l'artisan, l'entrepreneur individuel qui est l'employeur. Dans une société, c'est la société qui est l'employeur. C'est la société qui va contracter. Donc, elle existe juridiquement. Dans votre société GEX, est-ce que vous avez des salariés ? La société est employeur ? Alors, aucun salarié. Aucun salarié. Et normalement, ni même dans l'avenir. La démarche sera différente. Nous faisons venir les compétences qui sont déjà à leur compte, peut-être même en société, l'un n'empêche pas l'autre. Mais normalement, hein, il n'y aura pas d'employés. Et donc, quels sont les types de contrats que votre société passe avec ses différents partenaires ? Eh bien, nous avons par exemple un contrat avec un expert comptable, puisque d'un côté, nous faisons du conseil fiscal, du conseil juridique, mais en même temps, il est question quand même d'un expert comptable pour certifier des comptes. Donc, nous partageons le travail, d'un côté le travail de conseil, et d'un côté la certification des comptes pleinement faite par un expert comptable. Et là, effectivement, il y a un contrat. D'accord. Alors, si vous décidez de créer une société, il va falloir la créer juridiquement. Donc, ça va nécessiter un peu plus de formalité que pour l'entreprise individuelle. Il va falloir notamment rédiger des statuts, c'est-à-dire un acte juridique qui va préciser qui est cette société, son nom, c'est-à-dire sa dénomination sociale, son domicile, c'est-à-dire son siège social, son activité, objet social, et évidemment, qui sont les associés ou actionnaires pour la SAS et qui est le dirigeant. Alors, qui vous a conseillé, vous, pour la création de votre société? Vous avez été assisté? Il y a des personnes qui vous ont aidé à rédiger les statuts? Alors, pour rédiger les statuts, non. Maintenant, le choix de la SAS s'est fait naturellement, puisque nous sommes, au niveau de cette équipe de 5 actionnaires, de 5 associés, nous avons déjà les compétences certifiées. Il y a ceux qui s'y connaissent. Ça n'est pas ma partie complètement. Et effectivement, moi, je suis plus dans les statuts, dans les dossiers. Mais nous avons été finalement autonomes. Mmh. D'accord. Moi, je vais laisser. Alors, Isabelle, oui, on va faire une petite pause musicale et on te retrouve tout de suite avec la poursuite de ta chronique juridique. Alors, donc, Sylvie, votre deuxième choix musical. Alors, c'est le groupe Inuit. C'est un groupe nantais. Et la chanson, c'est Dodo Mafutsi. Eh bien, on le retrouve tout de suite. Voilà, c'était Inuit Dodo Mafutsi et c'est sur donc le deuxième coup de cœur donc de notre invité Sylvie Cantois. Vous écoutez Fadjet. Oui, en effet, vous êtes bien sur Radio Fadjet dans l'Instant Écho et on reprend donc la chronique donc juridique d'Isabelle qui nous parle de la SAS. Alors, peut-on nous présenter les principaux avantages ? Alors, la SAS donc, a de nombreux avantages, effectivement. Et donc, c'est une société qui va offrir beaucoup de liberté et de protection aux entrepreneurs. C'est pour ça qu'elle séduit beaucoup. Notamment, donc, il n'y a pas de capital de départ minimum. On peut être un nombre illimité d'actionnaires, comme on peut créer cette société tout seul. Ça peut être également des actionnaires personnes physiques ou morales. Donc, vous voyez, une liberté qui est importante. Une responsabilité qui est limitée aux apports, c'est-à-dire qu'en cas de faillite, les actionnaires ne perdront que ce qu'ils ont apporté à l'entreprise. Une liberté dans la rédaction des statuts. Les dirigeants, en plus, sont assimilés salariés et bénéficient d'avantages sociaux, car ils cotisent pour l'assurance maladie et la retraite. Donc, c'est très intéressant également. Alors, j'aimerais savoir quels sont vos actionnaires et comment avez-vous décidé ensemble de créer cette société ? Alors, les actionnaires sont des personnes proches qui étaient sur un premier projet, qui sont restés sur le deuxième, naturellement, et qui ont des compétences différentes, qui avaient, je pense, aussi l'envie de s'inscrire dans cette idée de redynamisation des territoires, parce qu'on ne peut pas le nier, on est quand même, dans Vézelise, un point particulier qui marque la volonté de redynamiser, de rester sur place, de faire sa vie heureuse, et c'est vrai pour tout le monde. Donc je pense que les associés ont aussi été charmés par cette idée. Ah, très bien. Alors, un dernier avantage, c'est le régime fiscal. Il est possible de choisir entre l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Donc, vous voyez, beaucoup de liberté et de protection. Alors, j'espère que ça aura clarifié ce qu'est la SAS ou la SAS et que ça permettra aux entrepreneurs de faire le meilleur choix. Alors, je crois qu'au niveau du choix de statut juridique, la simplification au niveau de la gestion, de l'organisation de la gestion, ça a été un critère important dans ce choix. Tout à fait, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez donner deux petites indications, éventuellement des exemples, au niveau par exemple de la prise de décision ? Écoutez, la prise de décision, c'est vrai que de mon côté, je suis présidente, mais en même temps, on est aussi juste 5 associés dans un microcosme de sympathie. Donc, c'est quelque chose de très transversal. Il y a peu de débats parce que finalement, les choses sont faites assez simplement. Très bien. Eh bien, on souhaite un excellent avenir donc, à la société EGEX. Merci. Effectivement commencé. On vous accueille avec plaisir. Eh bien, on aura l'occasion, effectivement, donc, de se déplacer donc, à Vézelise, ce petit village donc, de 1400 âmes, c'est oui, ça oui, oui, mais c'est un concentré quand même de compétences déjà. Alors, il en manque et on les apporte, on apporte les manquements. Mais il y a déjà vraiment de quoi vivre pleinement et normalement. En tout cas, c'est un bel exemple à suivre. J'espère que grâce à votre expérience, eh bien, d'autres structures vont naître dans les mois et les années à venir. Ce serait formidable. Réduire cette fracture territoriale. Oui. On y est tellement bien en campagne. Très bien. Alors, merci d'avoir, Sylvie, accepté notre invitation. C'est moi. Temps a passé très, très vite. Je trouve aussi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page Facebook de Radio Fadjet et de nous faire part de vos suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans cette émission. Francine et Isabelle, rendez-vous le mois prochain. Tout à fait, Jérôme. À bientôt. Et n'oubliez pas de rester fidèles à Radio Fadjet.